Les médias sud-coréens font savoir que le 11 courant a eu lieu partout en Corée du Sud, la 20e action pan-nationale sous thème « Journée de la victoire » sous les auspices de l'Action nationale extraordinaire pour la chute du pouvoir de Park Geun-hye. À Séoul, plus de 708 100 personnes de tous les paliers, dont citadins, syndiqués et étudiants, ont tenu le meeting à la bougie. Avant le commencement du meeting, a été publiée la déclaration sur les droits de bougie 2017 contenant l'espoir pour une société nouvelle et les sujets à réformer dans tous les secteurs après le départ de Park Geun-hye. Les médias sud-coréens ont rapporté largement les actions des habitants dans tous les coins de la Corée du Sud, notamment en ces termes. Le meeting à la bougie qui a donné lieu à la destitution de Park Geun-hye a été clôturé le 11 en 20 éditions et avec la participation de plus de 16 580 000 personnes au total, record dans l'histoire. D'autre part, les journaux internet sud-coréens MinPlus, Le Quotidien de la Nation et Jeju Sibon ont présenté les éditoriaux les 10 et 11 en matière de destitution de Park Geun-hye sous la résistance de masse à la bougie des Sud-Coréens.